Vacarme avec le Montreux Comédie Festival du 28 novembre au 3 décembre. Très bel après-midi à l'écoute des programmes de la première. Voici tout de suite Histoire Vivante. Histoire Vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc. Messieurs les présidents, il est temps de s'en aller. Les autorités de la République démocratique du Congo viennent officiellement de confirmer la mort de Laurent Désiré Kabila. Vous savez, au Congo, comme dans la plupart des pays où les journalistes sont parfois ciblés, c'est rarement le fait de balles prises par inadvertance. Cette semaine, rencontre avec deux réalisateurs. Moi, j'ai besoin de faire un film et puis en face, il y a quelqu'un qui a besoin de moi. De Kafka à Lucha. Les militaires n'ont pas dit une part ici au Congo. Ils tirent. Au boulot, au Congo. Les Nations Unies passent. Et les gens jettent des cailloux sur ces gens, je me prends un caillou aussi, et je me dis, waouh, ça va être chaud. Le Congo est un scandale géologique, c'est un des pays potentiellement les plus riches du monde. Et puis qui a tiré? Disais, ce qui me soutient, c'est quand quelqu'un me dit, on est ensemble. Qui a commencé? Je suis fier parce que ceux qui m'ont mis en prison, ils sont du mauvais côté de l'histoire. Je m'appelle Marlène Rabault, et je suis réalisatrice de documentaires. J'ai commencé par les Beaux-Arts. Où je faisais des petites pièces de vidéo, d'adaptation de nouvelles de Kafka. Et je me mettais en scène et je les tournais moi-même dans mes décors. Auteur de référence pour vous, que ce Kafka? Oui, quand même, ça m'a suivi. Et puis quand je suis quelque part et que j'aime bien, j'y reste souvent. Donc j'approfondis, je creuse, je continue d'avancer. Vous déménagez pas tout le temps? J'ai des cycles comme ça de 7 ans, mais je déménage, c'est pas assez sûr. Par contre, je quitte et je vais voir ailleurs. Mais après, je reviens quand même souvent sur un peu des mêmes bases, quoi. Bon, à cette époque-là, c'était Kafka. Et les Beaux-Arts, la perspective, c'était quoi? Au départ, je faisais de la gravure, donc c'était peut-être un peu un défouloir. J'allais rayer des plaques de zinc que je plongeais dans l'acide. C'est plutôt physique. C'était comme... quelque chose de très physique, de m'impliquer dans ce que je produisais. Et c'est pour ça que quand mon tuteur aux Beaux-Arts m'a dit « passe à la vidéo », j'avais un peu peur de plus avoir ce mouvement-là, quoi. Donc je suis surprise à bien l'aimer. Je suis assez solide, quoi, avec ma caméra. Je suis assez endurante. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Endurante, quoi. Je peux tenir longtemps, un plan. Une journée de tournage. Vous êtes résistante. Je suis résistante, ouais. Moi, j'ai pas eu d'enseignement technique, en fait. Quelque part, j'ai toujours un peu été autodidacte. Parce qu'au Beaux-Arts, et puis après au Frénois, qui est donc la scène nationale des arts contemporains à Tourcoing, bon, ce sont des écoles qui accueillent des gens qui ont des projets et qui veulent les réaliser et qui n'ont pas forcément les capacités techniques pour les faire, mais qui peuvent se faire assister par des techniciens, etc. Donc, on arrive avec une idée et puis l'idée semble intéressante ou non, on l'a fait. Donc, moi, j'ai toujours appris la technique sur le tas, tout en sachant que c'est pas mon kiff, quoi. C'est pas ce que je vais chercher. Souvent, justement, je me retrouve avec des gens qui filment et puis qui aiment bien comparer leur engin et je me situe pas là, effectivement, évidemment. Alors, vous situez-vous? Pas dans la vie des gens. Souvent, c'est quand même des films où ce sont des rencontres. Souvent, quand on cherche quelque chose, on le trouve, mais on trouve aussi quelqu'un qui a besoin de trouver aussi. À chaque fois, on se rend service, quoi. Quand on fait des films avec des personnages comme ça, avec des gens. Moi, j'ai besoin de faire un film, et puis en face, il y a quelqu'un qui a besoin de moi, d'une manière ou d'une autre. Vous a-t-il fallu du temps, Marlène Rabault, pour vous familiariser avec cet objet qui, somme toute, peut-être aussi largement indiscret? Je parle de la caméra. Mais moi, j'arrive facilement à mettre un rideau sur ce qui peut être gênant ou ce qui peut... Je sais que c'est souvent, oui, on se pose souvent la question de savoir comment on se positionne, etc. Moi, je pense que je suis d'abord moi, j'ai une caméra, quoi. Mais il y a d'abord moi, donc c'est d'abord un comportement à voir avec, je sais pas, c'est une attitude. Moi, j'aime effectivement être en milieu conquis, en confiance. Donc je pense que les gens, quand je suis avec eux, sont en confiance avec moi. Et c'est vrai qu'avant, je faisais pas mal de news. J'ai fait du news aussi au Congo pour gagner aussi un peu ma vie. J'étais sur place, je travaillais pour Reuters et puis après pour France 24 qui a commencé. Et donc sur place, il y avait un peu que nous, Arnaud et moi. Donc on a fait des reportages pour eux. Et c'est vrai que là, on arrive dans des situations où on n'a pas le temps de se présenter, mais on arrive dans des situations dramatiques où les gens ont envie de parler. Et on n'a jamais forcé quelqu'un à parler. Les gens nous sautent dessus pour parler, pour raconter leur histoire. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'Humanitaire. Cette semaine, nous retournons en République démocratique du Congo, direction le nord-est du pays, vers la frontière avec l'Ouganda et le Soudan. C'est ici le fief de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA. des rebelles ougandais terroristes qui luttent pour mettre en place un régime inspiré par les 10 commandements de la Bible. Mais en attendant, alors qu'ils ne sont que quelques milliers d'hommes, ils continuent de semer la désolation en ciblant les plus vulnérables. Depuis l'année dernière, plus de 150 000 civils ont ainsi fui les combats qui opposent les armées ougandaises, soudanaises et congolaises aux rebelles de l'armée de la résistance du Seigneur. Les populations fuient les combats, certes, mais aussi et surtout la cruauté de ces rebelles. Et même si 17 000 casques bleus sont déployés au Congo, seules quelques centaines ont été envoyées dans cette région frontalière. Nos correspondants Arnaud Zeitmann et Marlène Rabot sont allés rencontrer cette population terrorisée. Écoutons leurs témoignages. Parmi eux, il y avait des personnes âgées qui n'avaient plus la force de marcher sur de longues distances. Elles n'avaient tout simplement plus la force de se sauver. Dès qu'ils m'ont capturé, les rebelles ont mis des machettes sur le feu avec lesquelles ils m'ont brûlé le dos. Ensuite, ils nous ont forcés à porter des affaires qu'ils avaient pillées dans le village. Le Congo est le ventre mou de l'Afrique. Depuis 15 ans, il sert de sanctuaire à toutes les rébellions d'Afrique centrale. Mais il est aussi convoité pour son sous-sol, prodigieusement riche. À présent, les combats et les mouvements de population se rapprochent des mines d'or de Kilomoto, une des régions les plus riches en or de la planète. Malgré ces immenses richesses, au Congo, la crise humanitaire semble interminable. Elle ne fait que se déplacer dans le pays. Mais ses effets restent identiques. Dans le dispensaire de Ngilima, la crise revêt le visage des enfants déplacés, exposés au paludisme. Mais parfois, malheureusement, les enfants mal nourris arrivent tard. Suspendus entre la vie et la mort, ils sont les plus faibles, les premières victimes de la guerre au Congo. Retour à Histoire Vivante, juste après quelques nouvelles de la route. Infotrafic RTS. Sur le contournement de Lausanne, un accident bloque la voie de gauche et ralentit le trafic entre Belmont et Lausanne-Venne en direction de Genève. Et puis sur l'axe Genève à Ostes, le tunnel du Mont-Blanc est actuellement fermé dans les deux sens suite à la panne d'un véhicule. Comment se passe cette rencontre avec le Congo, Marlène Rabot? Est-ce le Congo qui vient à vous ou vous qui y allez de vous-même? Alors ça, je ne sais pas qui est venu à qui parce que... Moi, j'habitais rue du Congo quand j'étais au Frénois, donc dans le nord de la France. Et j'étais en colocation avec d'autres étudiants du Frénois. On était une bande de copains, on faisait la fête dans cette maison. Et moi, je devais trouver un sujet, un nouveau projet pour ma deuxième année au Frénois. Et je savais pas quoi faire. Et j'étais un peu bloquée parce que le Frénois, c'est un blockhaus, quoi. C'est un gros bâtiment comme ça, assez sombre, avec plein d'ateliers de production. Et ça travaille. Alors, pour les gens qui aiment bien être dans des laboratoires, qui font de la photo, Mais moi, j'avais besoin de lumière, quoi. J'avais besoin d'être dehors, de filmer, de terrain. Et donc, je cherchais, je trouvais pas. Et puis, naturellement, je me suis demandé pourquoi on habitait rue du Congo. Et puis... Donc, en faisant quelques recherches, j'ai découvert qu'il y avait un château qui existait au bout de la rue. Le château a été construit en 1885. Et donc, c'était le château du Congo. C'était un château. Il existe encore? Il n'existe plus parce qu'il a été détruit par les Allemands pendant la guerre. Donc, vous ne l'avez pas vu? Non, je ne l'ai pas vu. Mais D'accord. J'ai retrouvé des cartes postales de l'époque. J'ai retrouvé des vieilles personnes dans une maison de retraite qui l'avaient vu. Petites, ces femmes étaient petites. Et le château du Congo, c'est quand même incongru. Et surtout qu'elles, à l'époque, elles n'avaient pas l'électricité dans leur petite maison. Et puis que le soir, elles regardaient le dôme en verre du château qui avait l'électricité. Et on leur racontait que c'était la chambre à coucher du soleil. Et donc ce château, ça faisait rêver les gens, quoi, à l'époque. Et, on est à Roubaix, Tourcoing, on est quand même dans des cités où c'est plutôt noir, c'est plutôt sombre, c'est plutôt dur, les gens galèrent. Et, oui, et là, c'est Néo-Zola. Ouais, ouais. Et donc ce château du Congo, il avait été créé par, inventé, imaginé par un industriel roubaisien qui avait fait fortune en créant les savons du Congo. C'était les premiers savons parfumés à l'époque. Je pouffe, pardon, mais fallait le faire. Ouais, il avait de l'imagination. Et donc, il faisait croire à tout le monde qu'il allait au Congo pour chercher les parfums, les fleurs, qu'il y allait en montgolfière, qu'il en revenait, et voilà, et ça sentait bon. Et il avait aussi réussi à faire la publicité de ses savons dans les journaux de l'époque, où il y avait des quatrains qui étaient écrits sur les savons du Congo. Et Victor Hugo en a écrit. Et à l'époque, forcément, c'était pour blanchir la peau des nègres, c'était ce genre de choses, quoi. Et c'était à la fois répulsion, attraction, c'était vraiment le corps noir comme un drôle d'objet, à la fois attirant et en même temps qui faisait peur. Donc on mettait dans la tête des gens, ouais, c'est très raciste. Hein. Alors vous, il n'y a plus de château, mais il y a la rue, la rue qui ne mène finalement plus à grand-chose. Et qu'est-ce que vous décidez de faire avec votre petite caméra vidéo à partir de ça? En fait, non, il restait quand même deux petites maisons qui étaient la maison du jardinier et du concierge, qui étaient des miniatures en fait du château. C'est-à-dire qu'il y avait encore les mêmes formes. Et l'enceinte encore de la propriété? Non, alors ça c'est devenu un lotissement, mais on trouvait encore une sorte de grotte et puis un petit bassin qu'il y avait dans le jardin. Mais c'était le style mauresque du château. On pouvait l'imaginer à travers ces deux maisons qui étaient toujours là, habitées, etc. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais essayer de recréer cet espace. Je vais utiliser les poèmes. J'étais partie un peu dans un rêve, dans un fantasme, comme ça, d'une histoire. J'avais fait venir Lou Castel, ce vieux monsieur-là, pour lire les textes. Vraiment, j'étais un peu folle parce que forcément, il m'a vue là toute jeune, il m'a tapé dessus, quoi, limite, parce qu'il voyait bien que j'étais dans un truc intéressant, mais en même temps, que faire avec ça, quoi. Et puis, moi, on me demandait de faire un film d'un coup, donc j'ai fait mon film, mais c'était plein de rêves, et puis un peu toute seule aussi, surtout, en fait. Je me suis retrouvée toute seule, et ça, c'était pas très chouette, j'ai pas trop aimé cette expérience. Donc, c'était pas une réussite, ce film. Il est passé, je crois, aux Journées du patrimoine à Roubaix. Ils m'ont fait cet honneur-là. Mais par contre, le directeur du Frénois, Fleischer, il m'a pas donné mon diplôme de fin d'année, quoi. Et vous vous souvenez, vous, du nom de l'homme à la savonnette? Victor Vessier. Vous auriez de nouveau quelque chose à faire, enfin peut-être que vous n'en avez nulle envie, mais parce que l'histoire reste extraordinaire. Extraordinaire, ouais, bien sûr. Ah si, j'ai souvent envie, j'ai plein de projets comme ça, mais ça, ce serait le premier évidemment, parce que c'était ma porte d'entrée au Congo, et donc souvent. Vous êtes un peu la propriétaire là. Ouais, c'est ça. Et donc quand je fais un film, souvent je me dis tiens, le point de départ ce serait ça, alors je pars, et à chaque fois c'est coupé au montage parce qu'on me dit non, mais le film doit commencer sur notre sujet, quoi, on va pas commencer sur un autre sujet, enfin voilà, c'est. Ce Vessier en question, il a fait construire le château ou château existait? Déjà. Non, il l'a fait construire. Oui, il devait même le construire sur le dos de quatre éléphants taillés dans le marbre à l'époque. Et puis, en fait, les architectes lui ont quand même dit que ce serait pas possible techniquement, donc il a abandonné. Ça, c'est, disons, la première étape vers le Congo. Maintenant, il va falloir que vous nous racontiez le passage au Congo réel. Eh bien, après le Frénois, j'ai décidé d'aller au Congo pour voir... Ah oui, vous sautez dans l'avion et hop, direction Congo. Si Victor Vessier est vraiment allé au Congo avec sa montgolfière, quoi. Ah oui, ouais. S'il y avait des traces dans le ciel. Oui, et puis je me disais que j'allais faire voler une montgolfière là-bas, au Congo. J'imaginais trouver... Je me suis dit que ça allait être facile d'aller de trouver des gens là-bas pour coudre même la toile, etc. Ah, donc, le Vessier est contagieux, donc. Un peu. Du coup, j'ai contacté le responsable du service audiovisuel de l'ambassade de France, à qui j'ai raconté mon histoire de montgolfière, de château du Congo, etc. Et lui qui adorait le Congo, Kinshasa, etc., l'ambiance, m'a dit pas de problème, achète ton billet et puis moi je te donne mon logement de fonction, j'ai une maison à côté. Et donc je suis arrivée, j'ai pris 3 mois pour le visa et puis je suis restée plusieurs années, quoi. L'espoir, c'est de cela que se nourrissent plus d'un million de civils toujours déplacés dans l'est du Congo. Les déplacés établissent des camps de fortune. La descente aux enfers a commencé en 1994 lorsque les génocidaires ont fui le Rwanda avec l'aide de la France et sont entrés dans l'est du Congo. Depuis lors, d'autres groupes armés sont venus les combattre avec le soutien du Rwanda. Les Nations Unies peinent à ramener la paix. Les déplacés aimeraient une implication plus grande de la France. Nous voulons que le président de la France et Kabila qu'ils se consultent pour nous amener la paix, pour que nous puissions rentrer chez nous. La France et la communauté internationale ont permis la tenue d'élections il y a 2 ans. Le Congo, ce pays au sous-sol immensément riche, est désormais doté d'un président légitime. Mais la paix n'est toujours pas revenue. Pourtant, il y a 1 million de déplacés qui sont ici dans l'est du Congo et qui continuent de souffrir des conséquences du génocide. Ils attendent une implication plus grande de la communauté internationale et notamment de la France. Bonjour, je m'appelle Arnaud Zeitman. Je suis aujourd'hui producteur, réalisateur de documentaires. Pendant une quinzaine d'années, j'ai été journaliste en Afrique et principalement en République démocratique du Congo, où j'assurais la couverture de l'actualité pour différents médias, mais j'avais été envoyé là initialement et principalement pour la BBC. C'est vous qui en aviez fait la demande ou on vous avait muté ? Non, c'est moi qui en avais fait la demande au départ. C'est moi qui en avais fait la demande. J'étais jeune journaliste, je sortais de mes études à Londres et j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage au service Afrique de la BBC, qui était un service français parce que la BBC émettait en 42 langues et émettait notamment en français sur l'Afrique francophone. Et donc, je me suis retrouvé à m'intéresser aux affaires africaines par ce biais-là. Et j'ai fait immédiatement des pieds et des mains pour aller sur le terrain. Et étant belge, je suis né, j'ai grandi en Belgique, pour moi, l'Afrique dont on parlait et dont on parle toujours aujourd'hui, ce sont les anciennes colonies belges, bien évidemment, notamment l'ex-Zaïre, le Congo, colonisé par la Belgique autrefois. Et donc, j'ai été envoyé au Kenya. Et 2 ans plus tard, il y a un poste, un vrai poste de correspondant permanent qui a été créé par la BBC au Congo-Kinshasa, qui m'a été proposé et que j'ai donc accepté. Vous avez donc la formation BBC ? Formation ou déformation ? Oui, peut-être. Quelle est-elle, cette formation ? Alors, c'est intéressant parce que on est aux antipodes de ce qu'on attend aujourd'hui d'un documentariste. La formation de la BBC, c'est la rigueur et la neutralité. Donc, c'est croiser les sources. On ne donne pas une information s'il n'y a pas 2 sources qui la corroborent, 2 sources différentes, ça c'est la première chose. Et puis, donner la parole aux uns et aux autres. Alors, ça donne une légitimité, une crédibilité à l'information qui est diffusée par la BBC. Il faut savoir que moi qui vivais au Congo, je vivais parmi mes auditeurs parce que la BBC, service français pour l'Afrique, émet bien sûr sur l'Afrique francophone et donc les gens m'écoutaient. Vos voisins, donc. Mes voisins, tout le monde. J'étais connu au Congo, donc les gens m'arrêtaient dans la rue. Alors ça ouvrait des portes, c'était facile pour interviewer un ministre ou quelqu'un de très important, ou comme quelqu'un qui a une position, disons, moins importante, entre guillemets. Mais par contre... Revers de la médaille. Oui, disons que oui, évidemment, on suit ce que vous faites. Après, pour un journaliste, c'est quand même fantastique d'abord d'émettre, de travailler pour une station qui assure une couverture quotidienne du pays où vous êtes et qui veut, il y a de la place pour vous faire parler, pour vous donner la parole. Et dans un pays comme le Congo, qui est en guerre depuis 20 ans aujourd'hui, où il se passe des drames tous les jours, partout, et aussi des choses très lumineuses, je veux dire, les Congolais sont aussi souvent des gens souriants, amoureux de la vie, il y a des grands artistes parmi eux, donc être un correspondant, c'est pas seulement couvrir la guerre, c'est aussi couvrir la scène artistique, le sport, ça permet évidemment de s'intéresser et de faire vivre un pays, on est en quelque sorte l'ambassadeur du pays auprès des auditeurs. Alors c'est vrai que le revers de la médaille, c'est que les autorités suivent de très près ce que vous faites, mais tant qu'on se tient justement à cette rigueur, qu'on donne la parole aux uns et aux autres, qu'on leur permet de démentir les accusations qui sont formulées éventuellement contre elles, bon, on arrive à louvoyer. Moi, j'ai jamais été véritablement menacé au Congo. Ça m'est arrivé dans d'autres pays africains, mais au Congo, ça m'est pas arrivé. Ça m'est arrivé en Côte d'Ivoire, où j'étais envoyé spécial pendant quelques mois pendant la guerre. Par contre, l'écueil, je peux dire, pour moi, l'écueil aussi, quand on passe du temps dans un pays, qu'on commence à le connaître assez bien, moi, j'y ai passé 10 ans au Congo, c'est qu'au bout d'un moment... D'abord, l'histoire tourne en rond, la guerre continue, on a beau dénoncer, j'ai beau m'être rendu à plusieurs reprises sur des lieux de massacre juste après être, parfois le premier à le dénoncer, à enquêter dessus, à pointer du doigt les responsables des massacres en question, malgré la présence aussi de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, ils ont 17 500 hommes aujourd'hui qui sont déployés au Congo. Malgré tout ça, bon, la guerre ne s'arrête pas, donc on se sent parfois un peu inutile, ou on se demande, on est amené, moi en tout cas j'ai été amené à questionner ma propre fonction sociale. Votre plume. Oui, ma fonction sociale de journaliste, de témoin, et l'impact que pouvaient avoir les informations que je rapportais. Et c'est ça qui m'a emmené au documentaire. Parce que l'autre chose aussi, c'est que la BBC, qui est un média qui tient énormément à sa neutralité, vous maintient aussi, par la méthodologie à laquelle vous souscrivez lorsque vous travaillez pour elle, à cette neutralité. On peut en parler devant à la radio suisse, de cette question de neutralité. Donc, Sujet, vaste programme. Oui, aussi. Qui parfois... montre ses limites. Oui, on a envie de dénoncer, de dire des choses. On n'a pas envie toujours de dire un partout balle au centre. Parfois, c'est pas un partout. On n'a pas forcément envie de tendre son micro à ceux qui vont démentir. Parfois, il n'y a pas de démenti. Les preuves sont là. On n'a plus besoin d'offrir la parole aux responsables du désastre. Donc, moi, je suis arrivé au Congo au moment de l'assassinat de Kabila Père. C'est la première grosse histoire que j'ai couverte. J'étais là depuis 6 mois. J'étais... 2001. Oui, janvier 2001. C'était d'ailleurs un jour avant mon anniversaire. L'actualité internationale, et cette fois c'est certain, Laurent Désiré Kabila est mort. Il aurait succombé à ses blessures la nuit dernière à Harare, au Zimbabwe, où on tentait de le soigner. Il sera enterré mardi prochain. Les autorités de la République démocratique du Congo viennent officiellement de confirmer la mort de Laurent Désiré Kabila. C'est le fils du président, tué mardi à Kinshasa, qui semble avoir pris la tête du gouvernement. Les circonstances de la mort de Laurent Désiré Kabila restent encore très mal définies à Kinshasa. Et le lendemain, j'étais sur toutes les radios du monde, 24 heures sur 24, j'étais le seul, les coupes-frontières étaient fermées, et une de mes collègues, on est très peu aussi, il faut savoir que être correspondant dans un pays en guerre comme le Congo, mais je pense que c'est pareil en Afghanistan, en Irak, dans des pays comme ça, on est une poignée, on est très très très très peu nombreux, on était 4, 5 selon les périodes, pour couvrir en ce qui concerne le Congo, un pays de la taille de l'Europe de l'Ouest, qui vit un drame humanitaire innommable, c'était énorme pour mes petites épaules, disons. Et donc, lorsqu'on est seul aussi face à une information qui tout à coup devient la une, il faut arriver à gérer le temps, le sommeil, les médias, tous les gens informés, la terre entière, parce que tout à coup toutes les radios du monde vous appellent, toutes les télés du monde vous appellent, parce que vous êtes seul sur place. Et donc pour moi, l'assassinat de Kabila, ça a été un événement vraiment marquant, et c'est ce qui m'a d'ailleurs, on était en 2001, quasiment 10 ans plus tard, réaliser un documentaire sur cette question. Laurent Désiré Kabila a été assassiné le 16 janvier 2001 dans des circonstances jamais élucidées. Depuis lors, les autorités du pays l'ont érigé en martyr et considèrent son assassinat comme une affaire classée. Nous n'y croyons pas et nous décidons de mener notre propre enquête. Le 17 mai 1997, Laurent Kabila devient président de la République démocratique du Congo. Laurent Désiré Kabila, je jure fidélité à la nation. Il est porté au pouvoir par une armée d'enfants soldats entraînés par le Rwanda. Leur objectif est de renverser le vieux dictateur Mobutu, au pouvoir depuis 30 ans. Partant de l'est du Congo, il parcourt 2000 km à pied jusqu'à la capitale Kinshasa. Kabila est accueilli en libérateur. Kabila est un révolutionnaire marxiste et l'Occident voit d'un mauvais œil son arrivée à la tête du Congo. Mais il réussit à s'imposer et c'est Nelson Mandela qui accompagne en douceur le vieux Mobutu vers la sortie. La situation devient vite chaotique. Des dissensions éclatent entre Kabila et ses alliés. Le Rwanda, qui a fourni les instructeurs, les armes et les munitions au mouvement de Kabila, espère en recueillir les fruits et participer à la gestion de ce pays aux ressources naturelles immenses. Mais Kabila veut régner seul. Il chasse les troupes rwandaises qui, en réaction, créent un mouvement rebelle dans l'est du Congo, le RCD. C'est le début d'une nouvelle guerre que Kabila n'aura pas le temps de mener jusqu'au bout. Le 16 janvier 2001, il est assassiné par Rachidi, un ancien enfant soldat qui est devenu son garde du corps. Rachidi a immédiatement été abattu, emportant avec lui la vérité sur les dessous de l'assassinat. Restons encore sur ce moment d'incubation. Il vous faut combien de temps pour arriver à attraper cette matière, cette complexité, ce paysage culturel, paysage politique, alors qu'en plus de ça, vous y arrivez à un moment où tout doit être absolument sans dessus-dessous. Vous avez pas le temps de prendre vos marques, mais il faut bien du temps également pour prendre vos marques. Combien de temps, diriez-vous, vous avez pu mettre pour commencer à vous sentir peut-être un peu stable, maîtrisant un peu les choses, si toutefois la maîtrise est possible? Bon, mon expérience à moi, c'est que j'ai d'abord été envoyé par la BBC au Kenya, mais comme journaliste freelance. Donc, je suis parti à mes frais, avec la garantie que la BBC allait travailler avec moi. Mais j'allais être payé au papier. Donc, je me suis retrouvé à l'aéroport de Heathrow avec tous mes bagages, partant pour l'Afrique, j'avais 25 ans. Et d'ailleurs, j'étais évidemment en excédent de bagages, puisque je partais m'installer. J'explique aux responsables de l'enregistrement des bagages, écoutez, voilà, je pars pour m'installer, pour le compte de la BBC, à mes frais, tout ça. Il me dit, moi, lui qui était anglais, bien sûr, moi je paye ma licence télé à la BBC chaque mois, donc vous allez payer maintenant. Et donc, l'argument n'a pas du tout porté. Mais c'est vrai que je suis parti vraiment à mes frais, quoi. Je suis parti tenter ma chance, entre guillemets. Et donc, pendant ces deux années où j'étais freelance, basé à Nairobi, qui est quand même ce qu'on appelle en anglais un hub, un centre névralgique, parce qu'il y a un gros aéroport, donc c'est une grande ville où les choses fonctionnent à peu près. Donc, on était beaucoup de journalistes basés à Nairobi, et de là, les journalistes partaient sur les grosses crises de la région. Donc, moi, pendant deux ans, j'ai fait ça, bon an, mal an, mais au bout de quelques mois, je réussissais, j'avais plusieurs piges, je travaillais pour plusieurs médias, d'ailleurs pour la Radio Suisse Internationale notamment, à l'époque. Et donc, j'ai réussi à commencer à maîtriser les dossiers africains pendant ces deux années. Et mon premier voyage au Congo, mon premier reportage, ça a été vers le nord du pays, vers un endroit absolument extraordinaire qui s'appelle Gbadolité, qui est surnommé le Versailles dans la jungle, et qui venait d'être conquis par un homme qui était à l'époque un rebelle, qui s'appelait Jean-Pierre Bemba, et qui voulait faire tomber Laurent Kabila. Et donc Bemba nous a envoyé son avion, on était quatre journalistes, on est partis ensemble dans son fief. Mais je suis pas parti pour trois jours, je suis parti pour trois semaines avec un confrère, on est resté trois semaines. Et donc là, pour moi, ça a été la découverte du Congo. Et alors, c'était dans cette ville surnommée Versailles dans la jungle, parce que ça avait été le village de Mobutu. Et donc, cette ville avait été développée par Mobutu à l'époque, elle était à ce moment-là complètement en ruine. Mais Mobutu, il y avait une boutique Chanel, il y avait dans la rue, je me rappelle, qu'un soir on marche dans cette ville qui était détruite, il n'y avait rien, il y avait une boucherie malheureuse où le vieux, le boucher avait essayé de faire du pâté, il n'y avait rien, les étals étaient vides, les gens avaient faim. On marche dans la rue, tout à coup il y a un réverbère qui s'allume, on continue à marcher, deuxième réverbère qui s'allume. Dans cette ville où l'électricité, presque personne n'en avait, c'était les restes de cette époque resplendissante de Mobutu, où les réverbères, il y avait des cellules, les réverbères s'allumaient au fur et à mesure que les gens marchaient sur la rue principale de Gbadolité. Donc c'est assez dingue en fait. Et ma découverte du Congo, ça a été ces trois semaines que j'ai passées à Guado, où il nous est arrivé des aventures incroyables, on a été accueillis aussi par des gens qui étaient très accueillants, notamment le vieux Shangawe qui nous dit « Mais moi, je comprends pas, il y a cette guerre. Donc moi j'ai deux fils. » Ils se sont tous les deux engagés, ils étaient tous les deux militaires, ils se sont tous les deux engagés derrière Kabila. Maintenant que Bemba est venu prendre le contrôle de toute notre région, c'était un tiers du pays qui contrôlait Bemba, j'ai un de mes fils, j'ai appris qu'il est passé du côté de Bemba, et moi en tant que père, je me demande le jour où mes deux enfants vont se retrouver sur le champ de bataille, lequel va tirer sur l'autre le premier. Donc il nous dit ça en partant d'un grand éclat de rire. Mais c'est le rire, un rire désespéré, évidemment. Mais ça correspond bien à cet état d'esprit congolais, quoi. Qui est, voilà, on rit dans les situations les plus terribles. Ça me parlait beaucoup. Ça me fait penser à l'humour juif, un peu. Cette façon, comme ça, de rire de son malheur. Et puis, quelques mois plus tard, donc, j'ai pu être nommé, donc, correspondant permanent à Kinshasa par la BBC. Retrouvons demain Arnaud Salzmann pour continuer l'évocation à la fois de son travail personnel et puis également travail en commun, puisqu'en collaboration avec Marlène Rabault, avec laquelle ils ont signé 4 documentaires concernant le Congo, Kafka au Congo, Adieu l'enfer, Qui a tué Laurent Désiré Kabila et Congo Lucha. Cette semaine est réalisée par Jérôme Nussbaum. À demain.